Je claque une expression comme je claque un expresso. Je ressens le temps second comme un instant avec ses go. Chaque seconde, je monte le niveau. A tous ceux qui ont les crocs et ceux sous écrou, à tous les ions et les électrons libres, à tous les loups. Je expresse pressé, je te présenterai mon péché. T'es pas chier, je veux juste notre amitié. La lumière te visée, pas de pitié pour nous illuminer. Les barreaux limés, les barres sont armés. Homo aiguisé au politico, déguisé au du flot empilé. Les mégots terminés, les terminos dégagés. Le ciel explose dégagé. Expression de le monde. Expresso tout le monde. Expression on te le montre. Sans fait tourner le son pour tout le monde. Expression dans la chapression. On se refait une condition pour confirmer notre position. Ça sent qu'on s'en dit mais c'est un bon alençon. Expression dans la chapression. On se refait une condition pour confirmer. Expression, son près du son. Envoi du son est une expression. Voir fait péter le son. Jean Macro son cette sensation. Genre on peut pas s'en passer. Trip psyché, hard ou reggae. Passer des soirées à écouter, ressentir ça. Ça me donne envie de prendre je sais pas quoi. Genre franchir un cap, tout ça. Ça la rend folle d'écouter ça. Et moi je suis là comme ça, à la garder danser devant moi. C'est un moyen d'éliminer la fatigue. Cette fatigue qui me flingue, qui me mine. Elle, eux, moi, nous formons un tout. Un mur de rage, de frénésie. Comme un rock dans la porte de l'âge. C'est ça le truc puissant, c'est ça le son. Genre comme la voix Jim Morrison. On se refait une condition pour confirmer notre position. Certains ont changé le destin, on a le son. Expression, relâche la pression. On se refait une condition pour confirmer notre position. Certains ont changé le destin, on a le son. Expression, une transe qui balance de mer en totale errance. Qui frappe le cœur et l'essence. Qui bannit haine et violence. Et mais en totalisant sa moyen de te délivrer de la totalité. De faire partie de cette immensité. Du flot qui parcourt les veines de ce monde. De la musique et de l'artistique. De toutes ces pâtés qui rend l'humanité fantasmagorique. Qui se lâche les têtes des sceptiques. Qui nie la merveille plus quantique. De la totale intensité du poétique. Client de ces fils d'or, tant de nœuds telluriques. On se promet une concession pour confirmer notre position. Car on choisit le destin, on a le son. Expression à la perfection. On se promet une concession pour confirmer notre position. Car on choisit le destin, on a le son.